se rend compte de la chance qu'on a, souvent trop tard, et on regrette amèrement. On se rend compte de la chance qu'on a, toujours trop tard, et on s'en mord les dents. Trop de fois, trop longtemps, on croit pouvoir tout maîtriser, mais plus passe le temps et moins on réussit à contrôler. Parfois même trop souvent, on oublie de se faire à l'idée. Quand vient le moment présent, on se laisse toujours dépasser. On perd notre temps à vouloir toujours tout rythmer. Profitons du moment présent et cessons les banalités. Toujours aller de l'avant, ne pas rester dans le passé. Profitons du moment présent sans pour autant s'enfermer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. On se rend compte de la chance qu'on a, souvent trop tard, et on regrette amèrement. On se rend compte de la chance qu'on a, toujours trop tard, et on s'en mord les dents. Un choix, un instant et toute une vie peut changer. Prendre son temps, ce n'est pas forcément se laisser aller. On s'habitue au changement qu'une fois après y avoir goûté. Attendre le bon moment ou bien laisser tout se décider. La vie passe en coup de vent, on la laisse toujours s'envoler. Quoi qu'on l'a à pleine dents sans jamais avoir de regrets. La vie est une enfant et sa naïveté nous déplaît. Quoi qu'elle nous offre de temps en temps, on cherche toujours trop compliqué. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Toujours trop tard, et on s'en mord les dents.